الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أولا الحديث 17، يتجم حديث يقول عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأثنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأثنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. دون ce hadith, dans la traduction relative, est selon Abu Ya'la Shaddad ibn Awsin رضي الله عنه, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que Allah a prescrit, c'est-à-dire a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Que si vous êtes mené à tuer, alors tuez, faites le bien, tuez correctement. Que si vous devez égorger, alors égorgez correctement. Et que l'un d'entre vous aiguise sa lame et qu'il apaise l'animal qui va égorger. Qu'il le rassure. N'apportez pas musulman. Naam. Donc dans le hadith, il y a qu'il « Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay'in » Que Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Una love kataba, ou c'est le fait d'écrire, je l'ai traduit par prescrire là, qui en réalité veut dire ordonner. Aba kutiba alaykum kaza wa kaza, comme dit le Coran, kutiba alaykum siyam, comme kutiba alaykum kabulikum. Que le jeûne vous a été ordonné comme il était ordonné à celle avant vous. C'est parmi les termes qui incluent l'obligation. Donc l'ihsan est une chose qui est obligatoire pour nous. D'en faire preuve autant que possible. Fi a'malina wa aqwalina wa fi sha'nina kulli. Et zakar al-ihsan yakunu zakarnahu yakunu ala maratib. Il y a awalan ihsan al-ihsan bin al-khala'iq. Avec les créatures. C'est ce qu'on a appris dans le hadith de Jibril, ce qu'on a traduit par l'excellence. Tu adores Allah comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Là, c'est le summum de l'ihsan, de l'excellence. Ou il y a l'ihsan ou darajat. Donc, comme il y a le Cheikh, il y a l'Ihsan, il y a le Bain al-Abd ou le Bain al-Rabbi. Donc, entre le serviteur et son Seigneur. Ou le Bain al-Abd ou le Bain al-Nas, entre le serviteur et les gens. Ou le Bain al-Abd ou le Bain al-Baha'im, entre le serviteur et les animaux. Car les animaux. Donc, celui entre le serviteur et son Seigneur, on vient d'en parler. Et on en a parlé dans le hadith de Jibril. Et معنى الإحسان وهو أحسن الشيء إذا أتقنه. C'est le fait d'exceller. Quand tu fais une chose, tu la fais bien. Tu excelles. D'accord ? Tu fais la chose, tu la fais du mieux possible. Après, كل واحد بحسبه. Chacun en fonction de ses capacités. Ce n'est pas tu fais les choses, tu bâcles, ou tu es négligent, ou j'ai dû laisser aller. Tu fais les choses bien. En fonction de tes capacités. D'ailleurs, le bâclage de Ibadah, ça amène à l'annulation. Celui qui fait la salat, qui ne respecte pas, par exemple, Tumanina ou Al-Khushur, ça a été le bâti là. D'accord ? Il va trop vite. Mathalan, dans les Arkan ou Réles Alika, il bâcle sa salat. La salat va être bâti là. Ou Yathkur, min al-Ihsan bayna. Fima bayna al-abd wa bayna al-nas, la bienfaisance qui est entre les gens, entre le serviteur et les gens, fayakun bi mukafati mursinahum, c'est-à-dire qu'il est reconnaissant envers les gens qui ont été bienfaisants. Les gens qui sont bienfaisants parmi les hommes, et ben toi tu leur rends l'appareil. Bel istata bi ziyada. Wa tajawuzihi an masi'ihim, et que tu leur pardonnes leurs fautes. Wa tasaddaqihi ala muhtajihim, que tu fasses aumône à ceux qui en ont besoin parmi eux. Fayursin ilayhim bil qawl wa bil fi'l. qu'il est bienfaisant envers eux par la parole et par les actes. Ou yata'amalu ma'ahum bi ta'amul al-hasan, qu'il a avec eux de bons échanges. D'accord, de bons échanges. Ou yutqinu al-mu'amalata ma'ahum kama amara Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que il excelle dans ses échanges avec les gens comme Allah l'a ordonné ainsi que son messager. Donc cet ihsan hukmuhu al-wujub. ويقول الله عز وجل إن الله لمع المحسنين, que Allah il est avec les gens bienfaisants. Allah avec les gens bienfaisants. Donc ça fait que Allah عز وجل, si tu es bienfaisant, il est avec toi. Quel sens avec toi? Par son soutien. Quand al-ma'iyya al-khassa. يقول وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم. Maintenant il parle de l'exemple de l'ihsan qui est entre les gens, qui est entre les animaux. بين يطعم جائعها, qu'il nourrit ces animaux qui sont affamés. ويسقي العطشان منها, qu'il abreuve ceux qui sont assoiffés. ويخفف عنها الألم, qu'il leur minimise la douleur. وإذا أصابها ألم يعالجها, que si jamais cet animal est atteint d'un mal, une chose qui lui fait mal, il le soigne s'il le peut. D'où la preuve que le fait d'être vétérinaire, c'est un travail qui est légiféré. Seulement, ce n'est pas dans les mêmes normes que celles que font les koufars. Nous, on a des choses, on a des limites. Par exemple, demain, quelqu'un a un porc qui est malade, tu vas pas aller le soigner. T'as des animaux, on n'a pas à le soigner. Et il y a des choses, des médicaments qu'on ne peut peut-être pas employer non plus. Des techniques médicinales qu'eux ils font, que nous, peut-être, on n'a peut-être pas le droit de le faire non plus. Masalan, tu vois, les koufars, ils te parlent de droit des animaux. Alors qu'eux, c'est pas une chose qu'ils appellent comme étant liée au progrès, liée à ce monde. Ils sont basés sur des causes qui sont muharrama. Plein de choses que les koufars ils ont aujourd'hui, ça a été basé sur des choses muharrama. Les richesses qu'ils ont aujourd'hui, beaucoup sont basées sur le riba. Dans la banque. Donc les gens sont impressionnés par ce qu'ils ont comme moyen. Plein des moyens qu'ils ont obtenus, ils sont muharram. Ou, par exemple, l'autre jour on en parlait, ce qui était l'esclavagisme, auparavant. Plein de pays, comme aux États-Unis ou ici en Europe, ce qu'ils ont comme été construit, c'était construit par qui? Les esclaves. À ce qu'après il y a eu compensation? Rien du tout. Mais ils ont été peut-être maltraités par la suite, encore par la suite. Ou ça a été bâti par qui? Par les bagnards, les gens qui étaient en prison. Il les prenait, il les travaillait. Les États-Unis, c'est connu, il leur faisait faire les chemins de fer, casser des pierres, tout comme ça. Ça, c'est pas dire seulement vers le prisonnier. Prisonnier, bihasb maqam abi ibn al-jalima, là où hukmo. Avec le prisonnier, en mesure de ce qu'il a fait comme acte, il a un jugement. Si c'est un voleur, on lui coupe la main. Il va pas aller casser des rochers alors qu'il a la main coupée. À Salem. Et en plus, sa main coupée, c'est une expiation khas, après il est libre. Si jamais quelqu'un a tué, c'est le talion, lui-même exécuté. Ça dépend du crime qu'il a fait. Alors que eux, Yallah, koulouché dans ce qui porte intérêt à la daoula, même si à la base il mérite un châtiment autre que celui-là. Donc tout ça, c'est pas de l'irsan. Donc il ne faut pas être impressionné par ce qu'ils ont comme soi-disant force apparente, elle est basée à la base sur des choses qui sont muharrama, qui ne sont pas légiférées. Et là, c'est en guise d'exemple, il y en a d'autres. Donc les animaux, Masalan, comme on en parle, ils vont vous faire des expériences sur les animaux. Sur les animaux. C'est ma'arouf. Ils vont faire, mathalan, des carnages pour obtenir des choses. Mathalan, pour avoir de l'ivoire, ils vont tuer les éléphants. Pour faire des pianos, touches de piano. Piano, instrument de musique, on connaît le hukm. Ils vont tuer des, comme c'était connu avant, des animaux pour avoir leur peau. Ils ne tuent pas l'animal pour le manger par la suite, ils le tuent pour prendre de lui une chose qui leur sert par la suite, qui leur coûte cher. La salène. Il va tuer le crocodile pour avoir sa peau. Ils vont tuer le serpent pour avoir sa peau. Ils vont tuer le léopard pour avoir sa peau. Ils vont tuer l'éléphant pour avoir ses dents, l'ivoire. Ils vont tuer Kaza et Kaza et Kaza. Tu vois, pour des choses qui sont, on va dire, secondaires, même tertiaires. Ou même Muharrama. Comme par exemple, comme on expliquait l'histoire de touche de piano en ivoire. Maintenant, toi, en islam, tu as tué l'animal, t'as de ta fille à vie. Tu l'as tué pour une raison quelconque qui est légiférée, tu as le droit de prendre sa peau après par la suite. Mais tu le tues juste pour ça. D'accord? Et après tu laisses sa dépouille comme ça. Ça, c'est une chose, fais un nazar. C'est pas dire ça dans les animaux. L'animal, il a le droit de vivre. Maintenant, il t'attaque, tu te défends. En scène, à la base, la peau des fauves, en islam, c'est pas permis. D'avoir tout ce qui est tapisserie, tout ça, en peau d'animal, ou à Kazakh, c'est pas permis, de toute façon. Les fauves, je parle des fauves en particulier, il y a des ahadiths qui tadoul à la tahrim, fi hada. Donc, ce qu'eux appellent les droits des animaux, en islam, c'est rendu. Lakin, bi hudud des shara. Voyez. Mafalan, le shir, l'exemple, c'est le hadith de Abi Huraira, muttafaqun alayhi, yaqul, baynama kalbun yutifu bi rakyatin qad kada yaktuluhu al-atash. Il y avait un chien qui passait par là et qui était assoiffé, sur le point de mourir à cause de la soif. إذ رأته بغي من بغايا من بني إسرائيل. Et qu'il a été aperçu par une prostituée parmi les prostituées de Bani Israël. فنزعت موقعها فسكته فغفر لها بي. Qu'après, ensuite, elle a abreuvé en voulant cet animal-là. Et cela lui a coûté qu'elle ait été pardonnée de ses fautes commises. D'accord ? Elle est rentrée au paradis. Mais انتبهوا. Le hadith, pour le comprendre, avec les autres adillah, qui devait être mouahida. C'est une femme qui devait adorer Allah seule. D'accord, c'est faire de shirk. C'est pas d'imaginer demain, je sais pas moi, une prostituée fait ça et on sera au paradis. Là, il y a d'autres choses d'ailleurs qui vont dire. Là, c'est un hadith qui est général pour un acte en particulier. Elle a dû avoir beaucoup d'ikhlas sur cet acte-là. D'accord. Elle doit avoir en elle un khayr. Plus, elle avait le tawhid. Sans le tawhid, quoi que tu fasses, on a expliqué matafal min amel va avoir une makboul. Donc, ne pas s'imaginer que toute prostituée, il suffit qu'elle abreuve un chien, khalas, elle a gagné. Mawa kaza. Il y a d'autres choses à voir à côté, mais le hadith, lui, veut amener le tarkis sur le fait qu'elle a été bienfaisante envers un animal, que c'était un acte qui était khafif et qui lui a valu beaucoup. Un acte qui était khafif, mais qui lui a valu beaucoup. Comme ce hadith de cet homme, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je vois un homme qui se retourne dans le Jannah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté un arbre qui gênait le passage des musulmans. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est un mouahid. C'est un mouahid, un mu'min. D'une part, c'est-à-dire que déjà il faisait les actes des membres. Ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, comme on l'a expliqué la dernière fois, un non-musulman, musulman non pratiquant, comme il l'appelle. C'est quelqu'un qui faisait ses ibadah. Après, il avait peut-être des péchés à côté ou quoi. Allahu a'lam, c'est pas dans le hadith, c'est pas spécifié. Mais il a fait un acte avec un ikhlas qawi qui lui a valu une grande récompense. Mais la base du tawhid, il l'a. Et la base de l'iman, il l'a. Et l'iman, ou aqul, ou amel, ou i'tiqad. Parce que des gens ils s'arrêtent à des termes sans voir ce qu'il y a derrière. Comme dans les hadiths, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, harab Allah wa l'inar. Celui qui dit la ilaha illallah, que là il entendait le feu. Les gens disent, je l'ai dit. Tu l'as dit, mais il y a des shurut. Il y a des œuvres qui vont derrière avec. C'est pas juste le fait de prononcer. Pour preuve, si c'est juste de le dire, pourquoi Abu Talib ne l'a pas dit? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya am, kul la ilaha illallah, kelimat, dit la ilaha illallah, une parole par laquelle je peux argumenter pour toi auprès d'Allah Azzawajal. Si c'était prononcé, il l'aurait dit, Abu Talib. Mais il sait qu'il y a des actes derrière. Il savait, ça veut dire quoi, la ilaha illallah. Il n'a pas voulu le dire. Sur le lit de mort. Et il sait que Mohammed, il est sadiq. Il n'a pas voulu le dire. Pourquoi? Car il sait ce que veut dire la ilaha illallah. Contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui qui disent la ilaha illallah, avec la langue, ça bouge, mais les actes s'opposent totalement. Donc il faut bien comprendre les adillah et les joints d'entre eux. Donc cette prostituée rentre au Jannah par quoi? Par son irsen envers un chien. Et le chien est parmi les animaux les plus vils que l'on connaisse. D'ailleurs, quand les gens insultent les gens, souvent ils le traitent de himar quand il est bête, ou de chien quand c'est quelqu'un qui a un sale comportement. Ben regarde, le chien, en islam, il a un haq. Le chien qu'on tue en islam, c'est le noir. Le chien noir. Ou le chien agressif qui va mordre. Ah, min kobl. Avant c'était légiféré. Après ça a été abrogé. Après ça a été abrogé. Donc ce hadith-là dit que même ce chien que tu auras à tuer, tu le tues correctement. C'est pas tu le prends, tu le tortures, quand même tu le mutiles, ou à casa. Tu le tues de la façon la plus rapide et la plus reposante qui soit. En fonction de ce que tu as sous la main. Un chien va te mordre, à sa laine, tu veux te défendre. et tu sais qu'il n'y a qu'en le tuant que tu pourras le repousser, tu le tues de la façon la plus rapide qui tombe. Ça, c'est un exemple parmi les choses à avoir envers les animaux. Quand même, envers les animaux. Mais, comme on expliquait, il est permis, lorsqu'il y a une nuisance causée par l'animal, de repousser son mal, si ce n'est qu'en le tuant, on tue. Par contre, il y a des noussous, il y a des animaux qui sont interdits de tuer. Interdits de les tuer. La salène, namla, la fourmi, la nahla, l'abeille, la grenouille, ça, des animaux, il ne faut pas les tuer. Mais il y a des fatawas comme celle de Cheikh Al-Saymin, qui dit que si, par exemple, il y a chez toi des fourmis qui sont envahissantes et causent des dégâts dans la maison, tu as le droit de les tuer. Mais tu les tues de la bonne façon. Tu les tues de la bonne façon. Et ce qu'on voit aujourd'hui comme ce qu'ils appellent protection de certaines races, des races qui sont en voie de disparition, qui c'est qui a causé leur disparition? C'est pas les musulmans, non? C'est pas les musulmans, non? Ça, c'est eux. Tu vois? C'est genre... leur philosophie, c'est quoi? C'est je te frappe, d'accord? Après, je lance une fondation de consolation des coups que je t'ai portés. Et après, tu passes pour un héros. C'est nous, on console les gens. Ouais, mais c'est vous qui frappez les gens en premier, déjà. Tu ne l'es pas frappé, tu n'as pas besoin de consoler, à la base. Eux, ils sont comme ça, les koufars. Ils font zoom, et après, ils sont passés pour les gens qui réparent le mal qui a été fait. À la base, c'est vous qui avez causé les maux. C'est vous. Ce qu'ils appellent aujourd'hui protection de la couche d'ozone, truc écologie. C'est qui les plus grands pollueurs? Avec justement leur progrès moderne. Qui c'est qui cause tout ça? C'est pas les musulmans. Nous, on n'a pas de fusée, nous. On n'a pas de satellite. Justement, ils vous disent, vous êtes nuls, vous n'avez rien. Ouais, mais quelque part, il y a une maslaha. On ne fait pas du mal à l'environnement. C'est vous qui faites toutes ces choses-là. Bon, à part ici, avec les plastiques, les sacs plastiques, là, auzubillah. Ça, là-dessus, on ne peut pas défendre. Là, si, c'est vrai que les musulmans, aujourd'hui, il y a un grand khalal. Enfin, là, il y a un grand khalal chez nous. Le pays d'Islam, franchement, ce qu'on peut une dawla qui est puissante, qui met les choses en place, avec des lois, c'est sale. On ne peut pas le nier, ça. Voilà, Moustahan. Et ça, c'est mine d'or, en fait, l'Iman. L'Iman, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, que la purification, ce qui vient là, en fait d'être propre, c'est la moitié de la foi. Un hadith, elle n'en voit pas mener l'iman, il n'est pas authentique. Quoi qu'il en soit, d'autres hadiths prouvent que le muslim il est propre à la base. Maya adna martabat l'iman, mais Ahmed Bijawari, c'est quoi le niveau le plus bas de la foi? Eh ouais, enlever l'obstacle du passage. Aujourd'hui, on passe, on se mouche, on boit une bouteille, on jette par terre. On prend un mouchoir, on jette par terre. Voilà. On prend un truc, on jette par terre. Au milieu du passage, près de chez quelqu'un, le ballon. C'est un khalal, ça. Thumma qal, idha qataltum, fa ahsinu al-qitla. Donc, si jamais vous tuez, vous devez tuer correctement. Donc là, le fait de tuer, c'est dans les limites permises par la religion, bien évidemment. On ne parle pas de meurtre. Et on est commis impunément son droit. Là, on parle de choses, par exemple, la qisas, talion, par exemple. Ben, le criminel, quand même, il exécute de façon propre. Al-an fi khilaf, fi ma'adha, fi mas'alat kayfiyat al-qatl. Comment le tuer? Il y a des ulama comme Cheikh Al-Saymin, ils disent que le criminel, c'est-à-dire le meurtrier, on le tue comme il a tué. Il se base sur le hadith de cette Jariya qui était retrouvée mourante, qui a eu la tête écrasée entre deux pierres. Et quand elle a été interrogée qui lui a fait ça, elle a fini par indiquer un Yahoudi. Ils l'ont attrapé, il a avoué. Et Nabi Sansem, il l'a tué de la même façon. Comme elle. Elle a été tuée. Et Cheikh Al-Saymin, il dit, ça c'est un délit que celui qui tue quelqu'un injustement et qui met le qisas, on le tue comme il l'a tué. Tant que cette façon de tuer n'est pas, elle, interdite. Par exemple, quelqu'un a brûlé quelqu'un par le feu, je ne le brûle pas par le feu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit donc, tuer par le feu, c'est pas interdit. C'est interdit, je veux dire, c'est pas permis. Ou d'autres choses. D'accord? D'autres choses. Mais, et d'autres ulama disent là. Je ne sais pas pourquoi ils disent là. Cheikh Yahya, par exemple, il voit que tu le tues par balle ou par épée, c'est une mort directe, quand même, rapide. Tayyib. Fali'hsan fil qatl, le fait de tuer. Avec Ihsan dans le Qatl, c'est pas comme nous on imagine. L'Ihsan, c'est ce que la Sharia elle a donné. Sans quoi quelqu'un va te dire, Tayyib, pourquoi vous lapidez alors le fornicateur? c'est la scène celle où jeter des pierres, c'est ce qui meurt. Chers amis, justement, on dit Al Yassen Wama Haddadahu Echar. Yassen, ce n'est pas ce que nous on conçoit, c'est ce que la législation l'a donné. Et il dit lapider le fornicateur, c'est un Yassen, que l'on conçoive ou pas. Et si jamais ce n'est pas un Yassen pour lui, ben c'est un Yassen pour les autres. Ça va empêcher de fermer des portes. Donc l'Yassen dans le Kotl, d'accord, c'est de faire en sorte que la personne, à la base de la personne, ne souffre pas selon les limites de la, du Shara. Et on a dit, le Qisas, Mathalan, le Qol qui paraît comme étant le plus fort, c'est qu'on tue la personne comme lui-même l'a tué. Thumma yaqul, wa idha dhabahtum, fa asnu az-zibha. Si jamais vous devez égorger un animal, alors égorgez-le bien. L'animal que tu vas égorger pour l'Eid, pour une aqiqa, pour une diafa, pour un commerce. Quand tu l'égorges comme cela est venu dans la législation. Et cette façon de tuer l'animal est la meilleure qui soit pour lui. Contrairement à ce que les koufars le faire croire, que c'est inhumain, c'est sauvage, c'est barbare, ce que tu veux. On dit c'est Allah Azza wa Jalla qui a dit que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça que c'est. Et ça trouve l'animal, lui-même, s'il devait parler, Allah Azza wa Jalla me dirait c'est ça qui est moins douloureux pour moi. Alors que vous, Kahraba, t'électrocutes, ou il t'assomme, ou je ne sais quoi comme. C'est ça qui est barbare envers lui. Mais l'égorgement, s'il est bien fait, c'est rapide, c'est direct. Alhamdulillah, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de faire avec l'animal. Donc l'animal, quand même, nazbahuhu à la tariqa al-islamiyya al-ma'rufa al-mashru'a. La différence entre zabh ou al-nahar, zabh, c'est comme on fait avec un mouton ou une chèvre ou quoi, et al-nahar, c'est comme on fait avec les animaux qui sont de grande taille, comme le taureau, le chameau ou quoi. Et c'est plus planter une chose dans la veine jugulaire et après se vider de son sang. Car si tu veux essayer de dégorger un chameau, essaye. Je ne te garantis pas que c'est une façon de parler, tu vois. C'est-à-dire, au final, c'est toi qui vas mourir. Un chameau, c'est un animal, tu vois. Tu ne pourras pas l'égorger. Un nahar, justement, c'est un yersen. Pourquoi ? Car c'est ce qui convient à sa taille et à sa force. Tu viens, tu le plantes et tu t'éloignes. Et j'ai vu que même le koufar faisait ça avec les chevaux auparavant. Moi, j'étais petit. Et j'avais vu des koufars les faisaient comme ça. Pour tuer un cheval, ils venaient le planter dans le cou. Et ils faisaient son sang et après ils mouraient. Donc aujourd'hui, ne pas se laisser leurrer par toutes ces fausses contestations que notre façon de faire, elle est barbare ou quoi. On dit Allahu ya'lamun tumla ta'lamun. Allah ici, vous ne savez pas. Et ça, on ne s'est pas venu de nos têtes. C'est qu'on a une révélation qui nous dit que l'animal on tue de la sorte. Nabi sallam, quand on a min hadith al-ikaf, naqtul bi hadith al-ikaf. Wa kaza. Et bien sûr, on nomme Allah azza wa jalla sur l'animal pour le manger. Sinon, c'est une meïta. Et il dit, wa yuhid ahadukum shafrata, que l'un d'entre vous aiguise sa lame. Pourquoi ? Pour que ce soit plus rapide. Plus c'est aiguisé, plus ça va vite. Et moi, l'animal, il souffre. Et moi, tu veux un couteau qui n'est pas aiguisé, tu veux l'égorger, tu vas le faire souffrir. Après, la yad. Et aussi, min al-ihsan fi zabh zak al-hayawan, que ce soit quelqu'un d'expérimenté qui le fasse. Car celui qui ne sait pas le faire, il se peut qu'il fasse un massacre. Il ne connaît pas, il est impressionné, il a la main qui tremble. Et voilà, quoi, il n'est pas encore habitué. Et il vient, il ne va pas faire preuve d'irsène envers l'animal. Il y a les gens, Tadarrujan, celui qui n'a jamais fait, en premier lieu, il s'entraîne un jour sur un poulet, par exemple. Il va à la ferme, il essaie sur un poulet. Un animal petit, une fois, deux fois, trois fois. Après, il commence à avoir une certaine maîtrise. Il monte, il vient directement, il n'a rien fait de sa vie et il veut prendre un chameau. On a peur que ça se passe mal pour lui. Donc, Menilersen, de mettre un khabir, quelqu'un qui sait le faire. Et Yaqul, Waliurih Zabihata, qu'il apaise l'animal. C'est-à-dire, par exemple, les couteaux, tu n'existes pas devant lui. Tu évites d'égorger notre animal devant lui. Il faut en sorte qu'il ne le voit pas. Tu le caresses un peu, kaza, qu'il s'apaise. Même chez le condamné à mort, chez l'être humain, la chose la plus, on va dire, la plus éprouvante pour lui, c'est pas la peine de mort en soi. C'est tout ce qu'il y a avant. La période où tu es là dans la peur, l'appréhension de ce qui va t'arriver. C'est ce qu'il y a de pire. La pression, comme on dit. C'est ça qu'il y a de pire. Ben, l'animal, il ressent ça aussi. Quelqu'un te dit, il te reste, ma phalène, tant de jours à vivre. Et ben, c'est tous ces jours-là que tu vas vivre, ton impression, elle sera. C'est énorme. Et la peur, c'est une chose qui fait souffrir, la peur. La peur, c'est une chose qui fait mal au cœur. Donc, et plus tu tardes la peine de mort de quelqu'un, il sait qu'il va mourir, tu retardes, tu fais souffrir en réalité. Tu fais souffrir en réalité, en faisant ça. Donc l'animal, lui, kazalik, il a le même haq que tu l'apaises. Et tu fasses ça vite. Maintenant, on m'a dit à Mecca, ça se passe pas comme ça, les jours du Hajj. Après, c'est ta couleur mastitante, donc des fois, tu peux pas. Il faut que tu enchaînes, il faut que tu ailles vite. Il y a des situations, c'est dur à gérer. Allah yu'in. Donc, le Cheikh, il y a un hadith. Les exemples que le Cheikh il a donné, c'est l'irsen. Dans tout ce que tu fais, tu le fais bien. Et bien faire, c'est faire les choses comme la législation l'a ordonné. Et là, clarifier. Adam. Tamam. Tayyib. Hada wa le hadith. Sabia wa Asha. Sabia wa Asha. الحديث الثامن عشر. جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. سلوى أبو ذر جندب بن جنادة و أبو عبد الرحمن كي معاذ بن جبل رضي الله عنهما le message d'Allah صلى الله عليه وسلم il a dit crains Allah en tout lieu et en tout temps, c'est-à-dire en toute situation, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens de bonne manière, de bonne façon, apporté par Tirmidhi. Notre shir Yahya dans son charh de Arba'in Nawawi يفيد بأن هذا الحديث لم يثبت عن معاذ. D'accord, le hadith sur Mu'adh, il n'est pas, il y a rien, c'est un wahm de Nawawi, de l'auteur, il a confondu d'une part. Et le hadith, il est venu selon Abu Dhar, et malgré cela il est mursal. Ce n'est pas Abu Dhar qui a entendu le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le tabi'i a rapporté directement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malgré cela, le hadith yandarij tartahu usul sahiha wa yashhadu lahu adillat ukhra. D'autres adillat qui montrent que son sens est correct. Donc, dans ce hadith, il y a trois maratib, trois étapes. Celle qui est entre le serviteur et Allah Azzawajal. Yaqul, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah en toute situation. Deuxième, qui est sur le abd lui-même, sa propre maslaha à lui, qui est wa adbir al-siyat al-hasana tamhuha. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle effacera. Ça, c'est pour toi. Wa troisième, wa khaliq al-nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi bien avec les gens. Là, c'est entre toi et les autres. Entre toi et les autres. Donc, quand il dit ittaqillah, crains Allah, hada ya taqwa. On l'a traduit par la piété, par la crainte. Wa taqwa shan'aniya an taj'ala wiqayatan baynak wa bayna sakhatillah. Que tu mettes une protection entre toi et la colère d'Allah Azza wa Jal. Hada wa taqwa. Une protection. Ah. Elle aura tel le mot, wiqaya, c'est une protection. Wiqaya, c'est une protection. Et il y a d'autres ulama, ils ont expliqué le taqwa comme étant an ta'mal bi ta'atillah ala nourin min Allah tarjou thawabah. Que tu appliques, que tu obéisses à Allah Azza wa Jal avec lumière d'Allah, c'est-à-dire avec science, en espérant la récompense d'Allah. Donc l'irtisal. Tu fais cela, tu fais pas cela comme ça, sans niya. T'as une niya de plaire à Allah et d'avoir sa récompense. Amen. Wa yaqul kazalik, tatruk marsiyat Allah, ala nur min Allah, wa tarsha iqabah. Que tu délaisses les obéissances, ala nur min Allah, c'est-à-dire également avec science, avec lumière, et tu crains son châtiment. Tu crains son châtiment. Ok? car t'as des gens, ils vont faire des choses qu'on ne fait pas en religion sans rentrer dans ce. Bon, vous pourriez me dire, nous, chez nous, c'est comme ça la Ada. Quelqu'un, par exemple, tu vas me dire, pourquoi tu as une barbe ? Il dit, chez nous, c'est dans notre tribu, raser la barbe, c'est rien, c'est honteux. Il dit, c'est tout ? Non, toi, c'est pas la taqwa. À Salam. Une femme, elle porte son voile. Je lui dis, pourquoi ? Hey, l'image de ta hadjabine, pourquoi tu poses ton hijab ? Il dit, ouais, ma mère m'a toujours fait, chez nous, les femmes font tout ça. J'ai jamais vu autre chose. Une femme qui sort son voile, c'est mal vu pour nous, chez nous. Il dit, c'est tout ? Non, c'est tout. Ah non, c'est de mettre quoi ? Là, c'est juste par rapport aux gens. Si demain les gens ils changent leur coutume, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever ton hijab kazalik? Ah mais la taqwa, quoi que fassent les gens, tu restes sur ce que Allah a donné devant toi. C'est pas les gens, les coutumes, les habitudes, l'éducation, la kaza. C'est Allah. Ce qu'Allah t'a ordonné. Maintenant, si les coutumes coordonnent et que tu sais que cela va être de l'islam, niya. Mais la première base, c'est que tu sais que ça vient d'Allah Azawad. Et tu fais ça avec une niya de rapprochement. Donc, cette taqwa, c'est parmi les plus grandes exhortations qu'Allah Azza wa Jalla a fait pour nous. Ça veut dire c'est une chose que les umams sabiqa, elles ont déjà eu comme recommandation, de craindre Allah Azza wa Jalla. Comme il y a qu'il subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhal lazina amanu taqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et craignez Allah comme vous le pouvez. Car cette taqwa, elle est basée sur la capacité. D'accord ? Sur la capacité. Cette taqwa, elle a plusieurs fawa'id, beaucoup. Minaha, qu'elle est parmi les causes qui te font obtenir le risque, qui t'accorde des issues lors des fitanes. Comme encore le ta'ala, on met taqillah, et jallahu makhraja, yarzukum haythu la yahtasib. Que celui qui craint Allah, il lui accorde une issue. Il le porte sa subsistance, tout ne s'y attend pas. Donc ce qui craint Allah, parmi les causes du risque, en premier lieu, ou les sorties des fitnes, des troubles, c'est craindre Allah. Contrairement à ce que beaucoup de gens y font, faut tout le contraire. La salat, comme on expliquait souvent comme exemple, il veut travailler. D'accord ? Il dit, ouais, j'ai pas le choix, faut que je travaille, faut que je nourrisse ma famille, et kazakala. La salat, au travail, il peut pas faire salat à l'heure. Il dit, j'ai pas le choix. On dit non, justement. Le verset, tu n'as pas compris. Tu es ton risque et tu veux un makhraj. Crains Allah et laisse ce travail-là. Et ça, c'est un exemple. Les femmes, elles arrivent et disent, moi, si je mets le hijab, je vais m'arriver telle et telle chose. Tu vois. On dit, man yattaqillah et j'ai le makhraj. La salam. Wa kaza. Kazalik, la taqwa t'apporte le faucon, le discernement entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Comme encore le Subhanahu wa ta'ala. وبل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر لكم من سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Oh vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement et vous pardonnera vos fautes et que Allah est celui qui détient la grâce immense. نعم وكذلك la taqwa te permet d'être parmi les awliyas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ana awliya Allah لا خوف عليهم وهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. N'est-ce pas que les amis d'Allah, nulle peur sur eux, ils ne seront pas attristés. Après, il y a des cris qui sont ceux qui ont cru et qui ont craint. Les amis d'Allah, c'est ça. C'est le mu'min muttaqi. Et celui qui est croyant et qui craint. C'est lui le wali. Après, les awliyas sont des différents degrés. Donc, il y a plein de. On pourrait en parler longtemps de la taqwa, c'est un bête qui voit assez jiddan. Et Shahid ibn al-Hadith, que dans ce hadith, on te dit de faire preuve de cette taqwa, car lorsqu'il dit Haythu makunt, Haythu, c'est un zorf, qui peut être zorf, makan, c'est-à-dire en tout lieu, et zorf, zamen, en tout temps. Quand même, c'est pour ça qu'on traduirait en toute situation. Souvent les gens traduisent Haythu où que tu sois. On dit non, Haythu aussi dans le temps, à n'importe quel moment, dans la journée, que ce soit le matin. Que ce soit en pleine journée, que ce soit dans le cœur de la nuit, tu crains Allah Azza wa Jal. Quand tu as des gens, malheureusement, ils craignent Allah, ou du moins ils font appel à une crainte d'Allah en fonction des situations. Comme encore le Ta'ala, Yastafun min al-Nas, ou Yastafun min Allah, Izubiyitun ma yardom min al-Khawl, wa kain Allahu bima yamanun muhayta. Ils se cachent des gens, ils ne se cachent pas d'Allah, alors qu'il a vécu lorsqu'il parle, ce qu'il n'avait pas comme parole, et que Allah les cerne. Ce qu'ils font. ويقول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. قال إذن هو صحيح، كيف هو معنا بعلمه وببصره نهوى وبسمعه نظر إيه tout ce qu'on fait. Donc c'est ça ce qu'on appelle le muraqaba, on en a déjà parlé. Et ça revient à l'excellence. Que quoi que tu fasses, tu sais que Allah il te voit et c'est ce que tu fais. Donc ça t'amène à quoi? À agir dans le bien en toute situation. Le Cheikh Al-Islam le dit. ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام. T'as des gens lorsqu'ils sont pays d'islam, ils font pas l'islam. فإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه. أيوة يتلوون كما تتلوون الحراب الحربة. Il dit justement quand ils vont payer de coufre, après ils se mettent à dénigrer, à méconnaître cela. Et ils se mettent à être d'accord avec les koufars dans ce qu'ils font. Ils changent de couleur comme un caméléon. Ils changent de couleur comme un caméléon. وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ وَالْوَاجِبُ وَالْمُسْلِمُ أَنْ يَخَافُ اللَّهُ يُلَاقِبَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَيْ مَكَانٍ وَفِي أَيْ بَلَدٍ. Et cela n'est pas permis de jouer comme ça. T'auras avec des gens, t'as un visage, et t'auras avec d'autres gens, t'as un autre visage. Ce qui est obligatoire sur le musulman, c'est qu'il craigne Allah, qu'il ait peur d'Allah, qu'il sache qu'il le surveille, qu'il le voit, en tout lieu et en tout pays. En tout lieu, en tout pays. Donc maintenant, on sait que le lieu ou l'entourage peuvent avoir influence sur toi. Quelqu'un, mathalène, qui est à Paris, sa foi ne sera pas aussi forte que quelqu'un qui est à Medina, par exemple, ou à Mecca, qui est le haram. Ou un pays d'islam dans une coria avec des gens pieux, par exemple. C'est sûr. Ça va l'aider à monter sa foi. Amen. Il aura moins de péché devant lui, moins de fitan, moins de tentation devant lui, moins de, on va dire, d'accès à faire du haram devant lui. Mais maintenant, ça veut dire que lui joue un double jeu. Non, ça revient à l'hymen. L'hymen, il monte, descend en fonction de obéissance, désobéissance et même entourage. Comme des fois, tu as des gens, lorsqu'ils sont seuls, ils ont du khumul, ils ont du futur. Et quand ils sont toujours des gens de bien, ça les encourage. Ça, c'est pas du ria ou quoi. Ça, c'est, on va dire, c'est un tajir, ça les encourage. Et lui, au fond de lui, il aimerait le faire tout le temps. Tu vois. Et tu en as d'autres, qu'est-ce qu'ils font, eux? La chose, ils veulent pas la faire à la base. Mais ils disent, ouais, si je le fais pas, c'est haïf devant les gens. Et il le fait. C'est pas il a envie de la faire, il l'a fait pour les gens. Alors que l'autre, à la base, il veut la faire, mais il a du mal. Quand il est seul, il sent qu'il a un dorf. Tu vois. Par exemple, quand tu dors chez toi, tu dors en mosquée, c'est pas pareil. Enfin, on a tous regardé. Quand tu dors chez toi, dans ta maison, dans ton foyer, et tu dors en masjid, laisse ça, ouais, c'est pas pareil. Tu feras les choses au masjid que tu n'auras pas chez toi. Tu auras une facilité au masjid que tu n'auras pas chez toi. Là, c'est une réalité. Ce n'est pas tu as différents visages, différentes facettes. Raina min hada sinf, mathalan, fi tullab al-'ilm. Tu le vois dans le masjid, dans les durus, au premier rang. Devant le shir, sérieux, posé, propre, il écrit les fawa et tout. Il arrive à la maison, c'est vulgarité, c'est grossièreté, c'est zulm. Ça amène à ce que sa taqwa, elle est remise en question, son intention. Est-ce que tu te t'inventes un comportement devant ton shir, d'accord, et devant les gens peut-être qui sont plus à même d'avoir droit à ta rahma, tu viens et tu les maltraites. Ou avec les parents. Et je parle de façon gratuite. Je ne parle pas de quelqu'un qui a eu un manquement, une faiblesse, un oubli. Je parle de quelqu'un. Ada, ada, tout. Tu vois. Sa femme a lui dit que là, il fait une bêtise. Il l'insulte. Alors qu'elle a raison. Sur les points. Ses parents lui appellent à faire des choses qui sont halal ou quoi. Il n'a rien à faire. Mais quand il est devant le shir, là, c'est. Voilà. C'est quelqu'un d'autre. À la sinf, kathir. Mais, fil ghalib, ceux-là, ils se font fdah. Il y a toujours un moment où il y a un khalal, tu vois qu'il y a une chose qui apparaît, qui montre que la personne, c'est fdah. Et tu en as d'autres, devant un shir ou devant toute situation, c'est l'axe. C'est la atterkillah, hisou ma kunt. Tu vois, c'est la atterkillah, je crains pas Allah où je sois. Et à quel, n'importe quel moment. Il y en avait un, Adem Majj. Il a eu un conflit avec un frère, un niqash, un débat sur un sujet. Et Shir Yahel a voulu trancher entre les deux pour. Et l'un des deux a parlé mal à l'autre. parole qui l'a vexé. L'autre, il fait quoi? Il s'est levé, il a droité. Devant Shir, comme ça. C'est Shir qui l'a attrapé, qui l'a bloqué. Devant Shir, il s'est levé, il a droité. Pour un kalam qui était hasil, il n'y avait rien de particulier. C'est un kalam que on entend tous les jours. Il n'a pas supporté. Mais non, je ne dis pas que tu ne fais pas tauba. Ou tu ne reconnais pas, tu vois. Il se peut que la personne fasse tauba, reconnaisse. Mais tu n'inventes pas après une image par la suite. N'oublie, comme on disait l'autre jour, n'oublie pas ce que tu as fait. Et tu as des gens qui sont contre ce que tu as fait. Donc après, c'est pas que tu viens et tu montres que comme si t'es quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Il faut toujours que tu aies un peu de gêne en toi. Tu te rappelles ce que tu as fait comme erreur et que des gens le savent. Les gens, en premier lieu, Allah, il le sait. Bon, après, si tu as fait tauba entre toi et lui. Mais tu vois de lui que ça, la voix qui suit, elle égare les gens, tu le bayennes aux gens. Tu dis, lui, on connaît, lui, kaza, kaza, kaza, kaza. Maintenant, tu vois de lui vraiment qui se rattrape et va se mettre bien. D'accord ? Là, c'est autre chose. Tu'inu. Alama wa alayhi. Thumma yakul. Donc maintenant, dans la partie qui touche le abd pour lui-même, ou adbi al-sayyat al-hasana tamhuha. Fait suivre la mauvaise action d'une bonne, elle effacera. D'accord ? Elle effacera. Après, tu as des sayyat qui, elles, sayyat, souvent le mot sayyat employé pour les petits péchés. Souvent. Maintenant, sayyat peut même être employé pour le shirk. Mais le asl, fil ghalib, kalim al-sayyat, tout l'ok à la sara'ir, fil ghalib. Car les grands péchés, eux, vont le tawbah, à la base. Donc, si toi, il t'arrive, justement, un dérapage, comme on dirait, un manquement, un écart, rattrape-le comment ? Par une bonne action qui suit derrière. Wa min adillat ala dhalika, kama kathakala al-shir, yakullu azza wa jal, wa qimi salat, tarafay nahar, wa zulufan min al-layl, inna al-hasanat, yudhibna as-sayyat. Il dit, accomplis la salat aux deux extrêmes de la journée, et que certes la bonne action, ou les bonnes actions effacent les mauvaises. Effacent les mauvaises. Wa yaqul min hadith as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ishtunibat al-kaba'ir. Que les salawat, les 5 salawat que tu fais par jour, chaque jumu'ah que tu fais à chaque jumu'ah, de ramadan à ramadan, expie les fautes qui entre toutes ces périodes-là, tant que tu évites les grands péchés. Donc on a bien, c'est pour bien que ça parle de quoi, des petits péchés. Ah, mais les grands péchés, ils ont besoin de tauba, nasouh. Et il y a des choses qui effacent les grands péchés, qui sont le hajj. En premier lieu, l'islam. L'islam, quand même, l'islam, yamhou ma kana qablahu. Celui qui rentre en islam, ce qu'il a fait auparavant est effacé. Quel que soit même le shirk qu'il a fait, il est effacé. Hormis ma kana min huquq an-nas. Par exemple, il était douilleux d'envoyer des gens ou quoi, il doit les rembourser. C'est pas dit, je me convertis, j'ai emprunté, je sais pas combien, j'ai pas besoin de les rendre. Tu les rends. Masalam. Sinon, tes péchés antérieurs sont passés. Zina, meurtre, tout ça, c'est effacé. Après, s'il y a d'autres choses liées à la justice du pays ou quoi, ça, c'est une autre histoire. Là, on parle entre toi et, entre toi et Allah Azza wa Jal. Il y a la hijra, qui efface tout ce que tu as fait auparavant. Hormis, huquq an-nas, les droits des gens. Et il fasse même les gros péchés. Et il y a le hajj, mabrour, le hajj qui est bien accompli. Il efface les grands péchés. Certains ulama, comme notre cher Abdul Hamid, lui, voit que c'est que les petits. Mais le hadith, dans le hadith, il y a un yahoukoul la chaye. Ça regroupe tout. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah, Allah ta'alam, en l'islam, yahdim ma qablahu, ou en l'hijra, tahdim ma qablaha, ou en l'hajj, يهدم قبله الحديث الكلير اما سي اسم موصول من الفاظ العموم tout ce qu'il y avait auparavant, tout ce qu'il y avait auparavant. Donc ça inclut les grands comme les petits péchés. الشاهد من هذا, tu as fait une faute, rattrape cette faute là en faisant une bonne action. Ne serait-ce qu'une bonne parole, ne serait-ce qu'une bonne parole, une sadaqa, même de rakat ou quelque chose comme ça. Par contre, il y a un hadith qui est venu du fait que la tawbah demande de faire deux rakat. Il y a des ulama qui voient le hadith comme étant hassan, d'autres qui voient qu'il est daif. C'est pas un short de faire deux rakat pour une tauba. Quand la tauba, c'est shurut, elles sont connues, t'as sur le champ. Tu restes ce que tu as fait. Et, ta azim la ta'oudilay. Tu es déterminé de ne pas recommencer. l'Illah Azzawajal. Après, s'il y a mes droits entre les gens, c'est autre chose. Là, c'est le péché qui est entre toi et Allah Azzawajal, qui ne concerne pas les droits des gens. Tu es obligé de cela. Après, tu as ce qui est la bid'a, ce qui est Kouknas et d'autres shurut. Et ça, c'était venu dans le verset cité par rapport à cet homme-là qui avait fait un koubla à une femme. Il avait embrassé une femme qui n'était pas permise, une femme étrangère. Et dans une version qui dit qu'il a fait tout, hormis ce qui était le zina avec elle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle salaita ma'ana. Il a dit na'am. Et après, il a récité le verset. Il a dit, hal yali faqat ou lil umma kulliha. Il a dit, est-ce que c'est pour moi ou pour tout le monde? Il dit, pour toute ma umma. Celui qui fait une mauvaise action, il la rattrape par une bonne. Donc c'est une bonne nouvelle qui amène à ne pas désespérer lorsqu'on fait une action mauvaise. Qu'elle est rattrapable, comment? On voit une bonne derrière. Wa'akaza. Et dernière étape du hadith, qui est Wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Comporte-toi avec les gens de bonne façon. Ça revient au hadith de qui? De Anas ibn Malik. Qu'on a dit La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement, toi qui n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. On s'est amené à quoi? À te comporter avec les gens. Et le début du hadith, crains Allah où que tu sois, en toute situation. Donc cette crainte va t'amener à te comporter bien avec les gens. Tout comme cette crainte va t'amener à rattraper tes fautes. Ça tourne ensemble, ça va ensemble. Donc il dit, de bons échanges avec eux. De bons comportements. Tu parles bien correctement. Et avec Bashasha, ça serait traduit par engouement ou je ne sais pas vraiment, on est proche de la joie ou akaza. Fa'ina zalika mimma yazra'u al-mawadda fil qulub. C'est parmi les choses qui amènent à l'amour entre les gens. Wa yu'allifu bayna an-nas. Et ça amène à lier entre les gens. Les gens se rassemblent par cela. Wa akaza. Et on revient toujours à ce détail qui est le fait de bien se comporter avec les gens. Ce n'est pas faire que ce que les gens ils aiment, mais de faire ce que les gens doivent recevoir. Quand même, ce que les gens doivent recevoir. Donc comprendre c'est quoi le bon comportement. D'accord? C'est pas non plus t'inventer un faux sourire, t'inventer une fausse douceur comme les tabliers font, ce genre de choses. C'est un comportement légiféré. Après les gens, ils ont chacun un naturel différent. T'en as sur les gens, ils sont joyeux. T'en as sur les gens, ils sont un peu plus aigris. Wa kullu wahid yujayid nafsa. Pour avoir un comportement acceptable. D'accord? Accepté auprès des gens. Fa'adha al-lazi akhadna al-yom. Naktafi bi hadha al-qadr. Walhamdulillahi rabbil alamin.